التي تتعلق بالدرس اللي غادي ان شاء الله. طيب maintenant كان on avait dit quoi en fait كان c'est verbe être طيب au passé كان et son مضارع سيكون là il veut juste qu'on se concentre sur le passé et كان comme tu vas le voir il rentre dans la jumla ismiya c'est-à-dire مبتدا خبر par exemple tu dis رياض جالس par exemple Donc, Riyad est assis. Là, c'est sur le moment. Donc, si on rentre Kana, on va dire Riyad c'est Muntada et Jalis c'est Khabar. Si on rentre Kana, on va dire Kana Riyadun Jalisan. Riyad était assis. Donc là, Kana c'est un verbe, c'est un film. Riyad, il devient quoi maintenant? Après avoir fait Muntada, il change d'Irlab. Il a un nouveau statut, il devient quoi? Ism Kana. C'est pas un fa'il, ça s'appelle Ism Kana. Il est marfoua. Et Jalisan, ça va être quoi? Khabar Kana. Et va être mansoub. Il ressemble au fa'il ou à Foulbihi, là qu'ils ont un autre nom. C'est un truc qui est propre à Kana et à ses sœurs. Kana, elle a des sœurs. Des verbes qui font à peu près le même travail. Juste le sens, il change. Donc il dit quoi lui maintenant? Ikra el-misalayn, summa atril Kana à la jumel el-atiya. Donc lis les deux exemples. Ensuite, tu rentres Kana dans les phrases suivantes. Misalayn, il dit Hamidun maridun el-en. Hamid est malade maintenant. كان حامد مريضا أمس. حامد était malade hier. زينب طالبة. زينب est une étudiante. كانت زينب طالبة. زينب était une étudiante. تفضلك مع جمل أخرى و je te laisse الترجمة. كان الماء باردا. لي la phrase d'origine. الماء بارد. نعم. يعني الماء فرود. نعم. كان الماء باردا. نعم. لو تي فرود. احسنت. الباب مفتوح. كان الباب مفتوحا. يعني لا بورت ايت اوفيرت. نعم. لا بورت ايت اوفيرت. نعم. النافذة مغلقة. لا فينيت فيرمي. كانت النافذة مغلقة. نعم. مغلقة بلوتو. نعم. النافذة ايت فيرمي. هاشم مدرس كان هاشم مدرسا يعني هاشم سيت ان بروفيسور هاشم ايت ان بروفيسور الرجل نصراني كان الرجل نصرانيا يعني لم ايت ان ايت ان كريتيان لم ايت ان كريتيان الجو بارد كان الجو باردا يعني le temps est froid, le climat est froid. نعم. Le climat était froid. نعم. المدير جالس في غرفتي. نعم كان المدير جالسا في غرفتي. Ah, j'ai pas bien entendu. كان المدير. نعم. جالسا. Ah, طيب. Là, j'ai pas entendu. Pour ça. T'as traduit? Pourquoi tu me fais peur? Hein. Pas figé. Même tout réunir, c'est quoi, c'est pas grave. Moi, je frappe pas les ailes tout le temps, Alhamdoulilah. Donc, c'est quoi? C'est le directeur était assis dans sa chambre. Non. Le directeur était assis dans sa chambre. Non. هذه الساعة رخيصة. كانت هذه الساعة رخيصة. Non. Yani, cette montre est pas chère. Cette montre était pas chère. Omar rajulun ghaniyun. Kana Omar rajulan ghaniyun. Qu'est-ce que tu réfléchis? Moi, je t'écoute. C'est bon, non? Eh ouais, mais. Ah. Là, tu es obligé de faire un mazid. De t'offrir cette phrase. Yani, Omar était un. Yani Omar était un. Ah ouais, attends, Ghaniyan. Non, t'as eu raison ce que t'as dit. Maintenant, je te demandais c'est quoi l'Irlab. Kana. Tu que la chasse l'Irlab. Aïwa, Kana Omar, Rajulan, Ghaniyan. Ouais, c'est un art. C'est ce que j'allais te dire là. Taïb, Arsent, c'est un art. Et le Khabar Kana, c'est quoi? C'est Rajulan. Naam. Ashiran. Attends, bon, on va traduire. Omar est un homme riche.